accordéon parade. Accordéon parade sur un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Présenté par Michel. Animé par des accordéonistes. Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Accordéon Parade. Une émission pour les mordus du dépliant, bien sûr, mais pour les amoureux de l'accordéon. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vesoul, 1970, grand succès de monsieur Marcel Azola et de Jacques Brel. Marcel Azola, la gentillesse, vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. Et Marcel, c'est un grand monsieur de l'accordéon, l'un des derniers grands du piano à bretelles. Marcel Azola, que dire de Marcel Azola? Un homme formidable que j'ai connu quand j'étais gamin, que j'écoutais sur RTL, sur Radio Luxembourg. Les trois accordéonistes qui passaient dans la semaine, Verschuren, Louis Le Drich, Marcel Azola, c'était du bonheur. Et voilà, Marcel vient de nous quitter. Mais Marcel Azola, c'est Monsieur Gentillesse. Il était venu à Bellegarde en 1992, je crois, pour la semaine de l'accordéon que la MJC avait fait à Bellegarde. Et la MJC, avec Didier Lévesque, m'avait invité à aller manger le soir avec Marcel Azola. Ah, du bonheur, du pur bonheur avec Marcel Azola. C'était Monsieur Gentillesse, comme on l'appelait. Eh bien, Marcel, adieu. Alors, on va écouter ce que tu nous as, ce que tu as créé il y a quelques années. Salut, salut l'artiste, Marcel Azola. Adieu, Marcel. Merci au sympathique Bressan Damien Poyard qui vient de nous interpréter l'indicatif d'Accordéon Parade. Et toujours à l'écoute des 91 des 91 MHz de Sorgia FM. Merci à cette sympathique jeune fille qui nous vient de Lons-le-Saunier. C'est Karen Neuville qui vient de nous interpréter un passe-doble de sa composition. Et puis on va offrir à cette jeune fille une fleur de musette. Thank you. Merci à Mauricio Morrigo qui vient de nous interpréter un air du Portugal. Et le Portugal, c'est chouette. Tradition folklorique sur un air diabolique, toujours pour faire la fête sans se prendre la tête. Le tempo, la rythmique, une chanson dynamique, l'accordéon musette pour remuer les gambettes. Où rien ne nous arrête, une ambiance électrique, un endroit idyllique pour sortir les paillettes. Le Portugal, c'est chouette. Toujours à l'écoute des 91 et 91 MHz de Sorgi FM, et vous êtes en compagnie de Michel. Qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur Rodrigo Mauricio? Je vois que vous me tapez sur l'épaule. Hop, hop. Ah, il y a vos dames qui jouent avec vous. C'est le fameux duo Mauricio. Nous allons vous écouter tous les deux, Teresa Mauricio et Mauricio, qui va nous interpréter un morceau du Portugal. On écoute. We'll be right back. Merci à ce sympathique duo. Quel plaisir de les écouter. Quel plaisir de les écouter bavarder en accordéon. C'était pas beau. Eh bien, on les retrouvera prochainement dans l'émission d'Accordéon Parade. Et maintenant, on va l'écouter un sympathique accordéoniste qui nous vient de Belgique et qui nous emmène sur les vagues. C'est le grand Julo. Thank you. Olé! Et merci à Gigi et Danny Colabro qui viennent de nous interpréter ce passodoble du bal musette. Deux sympathiques accordéonistes qui nous viennent de Suisse. Thank you.

Oui, et c'était Baptiste Bastice Auger qui vient de nous interpréter Che Charleston. Auparavant, Tristan a été interprété par Jérôme Robert. Dis donc, Michel, c'est fatigant le Charleston. Oui, c'est fatigant. Il faudrait bien quelque chose pour se reposer. Eh bien, Michel, je te propose un vrai tango des familles et c'est Albert Huard Junior qui nous interprète ce tango. Tango du musette, le tango que joue l'accordéon. Il met du bonheur dans les têtes, enivrant les fils et les garçons. Chantez sa mélodie populaire, elle n'a pas de rythme compliqué. Pour moi c'est celui que je préfère, car c'est le tango musette que l'on danse sans chiquer. Chantez sa mélodie populaire, elle n'a pas de rythme compliqué. Pour moi c'est celui que je préfère, car c'est le tango musette que l'on danse sans chiquer. Thank you. Et merci à Tony Meller qui vient de me rappeler de bons souvenirs avec cette merveilleuse valse, André. Ah, et maintenant qu'on a fait le Portugal, la Suisse, eh bien si on allait faire un petit tour du coup, dans l'Écosse, oui, en Écosse, écoutez Jimmy Chang qui va nous interpréter un air de son pays. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Je vous rappelle que vous écoutez Accordéon Parade. Accordéon Parade que vous pouvez retrouver le mardi à partir de 10h. Et en podcast sur Internet. N'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine, vous pouvez danser avec l'accordéon avec Sourgia FM. Oh, oh. Je rappelle qu'Accordéon Parade est réalisé, programmé et présenté par Michel. C'est tous les dimanches de 9h à 10h, voire plus. Et l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Oh, oh. Et maintenant, nous allons aller en Calédonie avec notre ami Dominique, Dominique Moissan. Moi, j'en ai mal usé mes semelles sur ma cadavre. Il vaudrait bien mieux partir. Merci à Nicole Berge qui vient de nous interpréter Esmeralda, le passodoble de sa composition. Merci, merci à Gilbert Schwab qui vient nous interpréter cette brise printanière. Et bientôt la brise va être là, les beaux jours reviennent. Et on va terminer avec la bande à barder qui vient nous interpréter El Loco Fou d'amour. La bande à barder. La plaza sous le soleil. C'est le fou, c'est le fou, c'est le fou, chantent les enfants. Et toutes les belles murmurent sous leurs ombrelles. Il est fou, il est fou, il est fou, oui, mais quel amant. Les caballeros le regardent passer. Il est fou, il est fou, il est fou, disent-ils en riant. cavaliers. Tous ces hommes aux terrasses des cafés ont oublié qu'ils n'ont plus 20 ans. Le fil les attend. El Loco, c'est un fou, fou d'amour. Son regard a séduit plus d'un cœur. El Loco ne connaît pas un jour sans qu'une fille ne lui offre du bonheur. El Loco ne s'en va qu'au matin. La nuit, les portes lui sont ouvertes. Il sait tout des passions, des jardins, les endroits secrets au fond des palais, les lieux de ses conquêtes. Olé! Sombrero rabattu sur ses yeux noirs. C'est le fou, c'est le fou, c'est le fou d'un pas nonchalant. Il s'éloigne de la plaza quand vient le soir. Il est fou, il est fou, il est fou, le roi des amants. Il s'enfonce dans le dédale des ruelles. Tu es fou, tu es fou, tu es fou, lui dit une belle. Sous un porche, il disparaît. Une émelle fleure doucement dans le noir, traversant le palais. Il va le cœur battant. El Loco, c'est un fou, fou d'amour. Son regard a séduit plus d'un cœur. El Loco ne connaît pas un jour sans qu'une fille ne lui offre du bonheur. El Loco ne s'en va qu'au matin. À la nuit, les portes lui sont ouvertes. Il sait tous les pas sur les jardins, les endroits secrets au fond des palais, les lieux de ses conquêtes. Olé. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Ça y est, c'est fini, accordéon parade. Semaine, on m'a demandé, dis donc Michel, tu fais bien longtemps maintenant accordéon parade. Et oui, oui, je fais longtemps accordéon parade puisque cette année, mon émission accordéon parade va fêter ses 35 ans de radio. Et en parlant de radio, je vous signale que mardi, Sorgia FM va fêter ses 35 ans sur le bassin Bellegardien. Et pour Michel, ça sera le 11 mars. Que de souvenirs. Hein. Donc, vous venez d'écouter Accordéon Parade, le plateau de fromage, le plateau d'accordéoniste. C'était le bonjour de l'accordéon. C'était une émission pour les mordus du dépliant, les amoureux de l'accordéon. Enfin, 100% musette sur la bande FM et c'est tous les dimanches. Et on retrouve cette ambiance le mardi à partir de 10h, toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de votre radio sympathique, et elle est sympathique, sur GFM.

je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Eh bien oui, c'était Monsieur Georges Brassens qui vient de nous interpréter un de ses grands succès. Et maintenant, eh bien maintenant, je vais souhaiter un anniversaire, un bon anniversaire à un sympathique jeune homme qui se trouve sur Arlot, que vous connaissez tous, que vous écoutez tous les mercredis et dans la semaine sur les 91 MHz de Sorgi FM. Alors, je ne vais pas citer son nom, mais je pense que vous voyez de qui je veux souhaiter l'anniversaire. C'était samedi. Et voilà, alors, allez, on va le dire. Monsieur Guy, bon anniversaire à vous et pour vous toute seule, Sympathia, car vous êtes sympathique. Donc, bon anniversaire à vous, Monsieur Guy, et puis ma foi, une bonne journée. Allez, on continue la variété avec une sympathique jeune fille que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a bien quelques années, Mademoiselle Georgette Plana. Au temps de Riquita, voici comment Julo parlait à sa poulette. Les poules avec leur gigolo va valse sous les yeux des badauds. Mais Julot dit tout ça c'est de la rousselette. J'en connais une de danse qui est bien plus chouette. Ça vient de la butte, c'est tout nouveau. Allons Milly, prépare tes jambonneaux. Vas-y ma poulette, tricote des gambettes. Fais-leur y boire aux copains, que t'as pas du sang de lapin. Retrousse ta jupette, allume tes mirettes. En avant mon petit coco, c'est la valse à Julot. De quoi c'est maintenant que tu rappliques? Alors tu crois que je vais bouffer des briques? Tu me fais poireauter chez le bistrot et tu rapportes juste la peau. Attends, je vais te mettre un peu de cœur à l'ouvrage. Et gentiment, grand Julot qui est un sage, à coup de savate dans le bas des reins, fera dîner sa petite femme au turbin. Vas-y ma poulette, tricote des gambettes. Fais-leur y voir aux copains que t'as pas du sang de lapin. Retrousse ta jupette, allume tes mirettes. Ou sans sa gare à ton dos, c'est la valse à Julot. Est-ce que tu te paies ma poire? Il y a la môme qui me raconte des histoires. Paraît que tu fais du boniment. Faut pas que tu rebiffes, je te rentre dedans. Tu sors ton linge, tu veux donc que je te crève. Mais v'là soudain, dans le petit jour qui se lève, un coup de sifflet qui retentit. Acré les flics, faut calter les amis. Vas-y ma poulet, tricote des gambettes. Fais-leur y boire aux copains, que t'as pas du sang de lapin. Retrousse ta jupette, allume tes mirettes. Pour faire la pige au cerveau, c'est la valse à Julot. La boulangère du quartier. C'était la valse des boulangers et c'était pour mon boulanger. Il paraît que mon boulanger m'écoute. Alors, on va voir s'il m'écoute. Si la prochaine fois que je vais à la boulangerie, il me dit « Dis donc Michel, je t'ai entendu. Tu as chanté, tu as passé un morceau sur la valse des boulangers. » Alors, on verra s'il nous écoute sur les 91 MHz de Soja FM. Et maintenant, on a un petit coup d'accordéon. On va écouter « Reine de Musette ». Et c'est pour Christine, la sympathique Christine à Champfromier et le non moins sympathique Pépé qui adore danser la valse. Alors pour eux tout seuls, pour eux tous deux, je pense que vous avez poussé la table et que vous allez danser sur cette valse. Et puis merci encore une fois de vos bons voeux. Bonne santé à vous et bonne année. Allez, on écoute. Yeah. frappe la nuit. La loi du plus fort. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort tout elle. Sous le ciel de Provence, on n'a plus d'importance. On se sent en vacances, ici dans le midi. Bercé par les cigales, de rien on se régale. De l'eau fraîche du puits, d'un pastis et d'un aïoli. Un dimanche au cabanon, avec Fernand, la fanette, Jeanne et Suzanne. V, sous les branches du cabanon, on se dit vraiment que la vie a du bon. Allongé bien à l'abri du mistral, bien à l'aise, les jambes à l'horizontale, et chacun chante sa chanson. Un thé parbleu, y a pas mieux que le petit cabanon. Hey. De la marine, quand on est dans les cols bleus, on n'a jamais froid aux yeux, partout, du Chili jusqu'en Chine, et on les reçoit à bras ouverts, ces vieux lunaires. Quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine, du petit jusqu'au plus grand, du moussaillon comme Adam. Marseille. Oh. Et alors, de la Martiale sont des vieux loups que rien n'égale. Les sirènes n'importe où dans la rafale, ce sont des casse-cous dans le loulou de la girelle. Aux plus grosses poils dans leur filet, ils prennent tout. Les pescadous de la Martiale sont les plus forts que tout. Les pescadous. Cette chanson, c'est pour Millette. Ma copine Millette Grenier, je lui avais promis, c'est pour elle. Voilà. Millette, Millette, toi si jolie être. Lila, lila, lila, lila, lila, lila, mamie jolie. Et c'est avec ces airs de Provence qu'on va se quitter, auditrices, auditeurs de Sorgi FM. On se retrouve bientôt pour une autre émission de variété. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et merci d'avoir été avec moi ce dimanche matin pendant 2 heures de musique, de dédicaces et de bonne humeur. Allez, bye bye! À bientôt!